بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous poursuivons inshallah بإذن الله عز وجل dans notre explication du texte الأصول الثلاثة de Cheikh الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. Donc nous avons lors de la dernière séance expliqué, nous avons d'abord présenté succinctement le texte. Nous avions dit donc qu'il comportait comme titre en arabe Al-Usul Thalatha et qu'il était aussi valide de dire Thalathatul Usul. Puis nous avions présenté aussi le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayh en expliquant son parcours dans la science et sa da'wa, et que notamment sa da'wa tournait autour de Nabdh Shirk, le rejet du Shirk, de l'associationnisme, et la réalisation du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces ouvrages tournaient principalement autour de la forme du tawhid, de la partie qui est tawhid al-uluhiyya, tawhid dans l'adoration, tawhid de la divinité. Ceci car il a eu affaire, rahmatullahi alayh, lors de son époque, à de nombreux mushrikines, des gens qui tournaient autour des tombes, invoquaient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, égorgés pour les morts, etc. Il fait donc partie du fiqh, de la compréhension, de la science profonde, de tout shirk qui soit, de écrire, parler, faire ses sermons, etc. autour des bid'ah, des innovations et des mukhalafat et des choses interdites présentes lors de son époque. Et le shirk était clairvoyant donc de ces interdits qu'il y avait à son époque. Et nous faisions la comparaison à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh, qui lui, bien qu'ayant de très nombreux ouvrages, a une bibliothèque très riche dans le tawhid al-asma'i wa sifat, car il était en conflit avec al-ash'a'ira lors de son époque, comme vous savez, qui sont des gens qui font al-ta'wil, qui font l'interprétation des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh Ahmed Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh, lui a écrit beaucoup d'ouvrages qui sont aujourd'hui des fondements et des points de retour dans Tawhid al-Asma wa Sifat. Wa Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayh, du fait de sa confrontation aux Qubouriyin, aux adorateurs des tombes et aux Mushrikin, a écrit des ouvrages donc riches concernant Tawhid al-Uluhiyya, qui sont désormais, bi'iznillah, bien sûr, après le Coran et la Sunna du Prophète alayhi salatu wassalam, qui sont des livres qui ont le statut de fondement dans la Aqidah Sahiha. Wallahu a'lam. Donc nous avions expliqué la basmala, qui est l'expression Bismillahir Rahmanir Rahim, et pourquoi le Cheikh avait commencé donc son ouvrage par cette expression. Puis nous avions expliqué le début de la première phrase qui est I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Nous nous étions arrêtés ici. Bi'iznillah. Donc le Cheikh dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre notions. Al-oula, al-ilm, la première, la connaissance. Wa huwa ma'rifatullah, et c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu nabiyhi, et la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma'rifatu din al-islam, et la connaissance de la religion musulmane. Bil adillah, avec les preuves. Athaniya al-amalu bih, la seconde, agir en fonction de cette science. Athalitha ad-da'watu ilayh, la troisième, c'est prêcher. Ar-rabi'a as-sabru 'ala al-adha fih, la quatrième, c'est patienter quant aux méfaits, aux conséquences donc de la da'wa. Donc le Cheikh rahmatullahi alayhi dit: al-oula, la première, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Donc le Cheikh dit que, donc dans ce premier paragraphe, qui est donc, je vous rappelle, le premier tiers de l'introduction, nous avions dit que le cœur du livre, ce sont les trois fondements qui vont commencer lorsque le Cheikh va dire wa idha qila laka mal usul thalatha, et si l'on te questionne quels sont les trois fondements, dis. Et il va expliciter les trois fondements qui sont donc la connaissance d'Allah, du prophète et de la religion musulmane. Ici, il introduit par trois paragraphes. Le premier commençant par « I'lam rahimakallah »« Sache qu'Allah te fasse miséricorde » qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre notions. Ces quatre notions-là que nous allons expliquer, qui sont la science, l'amal, l'acte agir en fonction de la science, ad-da'watu ilay, prêcher vers la science et l'action, et as-sabru ala al-adhafi, la patience quant au désagrément subi. Puis un deuxième paragraphe va être introduit encore par l'expression i'lam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Qu'il est obligatoire pour nous de connaître trois choses. Et il va citer trois notions. Puis il va dire i'lam arshadakallahu ila ta'atih, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide vers son obéissance, anna al-hanifiyata millatu Ibrahim, que la al-hanifiya, on va expliquer ce que c'est, la religion d'Ibrahim est, et il va expliquer qu'est-ce que la religion d'Ibrahim alayhi salam. Puis il va parler donc du cœur de ce message-là, qui sont les trois fondements. Ensuite, il va conclure par une conclusion dans laquelle il va parler de certaines notions comme le tarout, le iman bil yawm al akhir bil ba'th, la foi en la résurrection aujourd'hui, au jour dernier et autres. Donc le cheikh ici commence donc ce premier paragraphe de l'introduction en disant al-oula al-ilm. Donc la première des quatre notions citées par le cheikh est al-ilm. D'abord, est-ce que ces notions, là, cette liste, elle est exhaustive, c'est-à-dire que rien d'autre entre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 5, 6, 7, plus que 4 notions obligatoires. Non, le shirk ne veut pas dire par 4 que les notions sont limitées à 4, et la preuve la plus claire, c'est que lui-même, dans le deuxième paragraphe, va dire, il est obligatoire pour nous de connaître 3 autres notions. Il va citer 3 autres notions qui ne sont pas ces 4-là. Donc lorsqu'il veut dire 4, ce sont 4 notions fondamentales, mais il y a beaucoup d'autres notions qui sont aussi obligatoires à connaître. Donc le shir dit « Al-oula al-ilm » la connaissance. « Wa huwa ma'arifatullah » et c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa ma'arifatu nabiyihi » la connaissance de son messager sallallahu alayhi wa sallam. « Wa ma'arifatu dini l'islam » et la connaissance de la religion de l'islam. Al-ma'rifa, la connaissance, donc nous allons traduire cela par la connaissance. Il y a 2 types de connaissances. La première, al-ma'rifatu al-fitriya al-qalbiya. La connaissance fitriya, qu'on va dire, traduire nous par naturel, qalbiya, se situant dans le cœur. Cette ma'rifa-là, donc cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, est présente chez tous les humains. Car Allah subhanahu wa ta'ala a mis ceci dans la fitra humaine, dans la saine nature. Qui est donc la connaissance, la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'être existant. Ceci est présent dans le cœur de toute personne. Puis les personnes par rapport à ceci sont différentes catégories. Ceux qui vont traduire leur croyance en acte ensuite et qui vont passer à la croyance législative que je vais définir ensuite. D'autres vont admettre cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont admettre des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne vont pas traduire cela par la croyance législative. Comme c'est le cas, par exemple, d'Iblis. Iblis croit à Allah subhanahu wa ta'ala une croyance naturelle, qalbiyah, du cœur. Iblis a cette croyance-là. Et la preuve, c'est que dans le Coran même, il a dit « Khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin » « Tu m'as créé de feu, alors que lui, tu l'as créé d'argile. » Donc il a confirmé la qualité de créer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Iblis était questionné « Est-ce que Allah existe ?» il répondrait que oui. S'il était questionné, est-ce que Allah est le créateur, il répondrait que oui. Est-ce que Allah est le seul créateur et en dehors d'Allah, personne ne peut créer, il dirait oui. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est le tout-voyant, tout-entendant, l'éternel, le vivant qui ne meurt jamais, il répondrait oui à toutes ces questions-là. Donc cette croyance qu'on appelle at-tasdiq, qui est rendre véridique par le cœur simplement une information. Iblis l'avait. Pharaon aussi. Pharaon aussi avait cette notion-là. Lorsqu'il dit « Ana rabbukumul a'la », il sait dans son fort intérieur qu'il est menteur. Lorsqu'il dit « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut », il sait très bien qu'il est menteur. C'est pour ceci d'ailleurs qu'il demande à Haman de lui construire une tour afin qu'il aille voir la divinité de Moussa alayhi salam. Donc il ne réfutait pas l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il dit au sorcier « Ma alimtu lakum min ilahin ghayri » Je ne savais pas que vous aviez une divinité en dehors de moi. Il sait très bien qu'aussi, il est menteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Moussa, de Pharaon, pardon, et ceux qui l'entouraient, comme mécréants, « وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا وَجَحَدُوا بِهَا » Et ils l'ont réfuté, donc par la langue. « Al-jahd, al-juhud » c'est réfuté par la parole, quelque chose qui est présent dans mon cœur. C'est dire le contraire par ma langue de ce qui est dans mon cœur. Allah dit « وَجَحَدُوا بِهَا » Ils l'ont réfuté par la langue. Ils ont dit « Moussa, tu n'es pas prophète. Hein? » Il a dit par exemple « أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى » Il s'est attribué donc cette qualité-là. « وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ » Mais la prêche de Moussa alayhi salam et ce que prétendait Moussa alayhi salam, il savait que c'était la réalité. Il savait que c'était une vérité. Zulman wa uluwa, par injustice et par caractère hautain, par supériorité. Donc cette croyance-là, c'est la croyance dans le sens linguistique et c'est une croyance qui est présente concernant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le shirk a commencé à expliciter la connaissance qui est obligatoire par ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Cette connaissance-là est présente dans la fitra de chacun. Puis les laïcs aujourd'hui, quotidiens, contemporains, ou les darwinistes, etc. Moi, je ne crois pas en Allah. Je ne crois pas de manière absolue et totale. Allah n'existe pas. Et ils donnent leur fameuse théorie erronée. Ces gens-là, en arabe, on appelle ça une mukabara. C'est-à-dire, ils se moquent des gens en réalité. Par leur langue, ils disent ça. Mais dans leur fort et profond intérieur, il y a quand même une croyance en l'entité divine, en Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, elle émerge lorsqu'ils sont coupés de leur cause et lorsqu'ils arrivent au fait établi que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut les sauver. Comme c'est le cas des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans le Coran lorsqu'il dit et lorsqu'ils sont frappés par les vagues, donc dans la mer, « Da'awu Allah mukhlisin lahu ad-din » Ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Et ces gens-là savent très bien que Allah subhanahu wa ta'ala existe. C'est quelque chose qui est dans leur fort intérieur. Et tu le remarques même par leur jugement sur celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'ils disent que c'est quelqu'un qui est perdu, que le musulman est perdu, ou même le chrétien ou le juif, ils ont raison par rapport au chrétien ou au juif, mais ils parlent de... Pour eux, ils disent qu'ils sont perdus pas dans le sens où ils ne suivent pas Mohammed, comme c'est notre cas. Nous disons qu'ils sont perdus parce qu'ils ne suivent pas Mohammed alayhi salatu wa salam. Ils disent qu'ils sont perdus par leur croyance au divin. Donc ces gens-là, même s'ils émettent ce type d'opinion, ils disent que celui qui croit en un dieu, c'est quelque chose d'arché, etc. Mais ils ne mettent pas ça au même niveau que quelqu'un qui va porter quelque chose d'absurde, comme l'adoration d'une pierre. Même celui qui ne croit pas en Allah, le laïc ou bien le darwiniste ou autre qui dit que le divin n'existe pas, lorsqu'il vient juger une personne qui adore donc une entité toute puissante, omnisciente, omnipotente, Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, il ne va pas le mettre au même niveau que quelqu'un qui adore un rat ou un hindouiste qui adore une vache ou autre. Il va savoir qu'ici il y a une notion de rationalité. Car en vérité, dans son fort intérieur, dans son intérieur profond, il a cette fitra-là qui a été maintenant couverte par les péchés, le shirk, l'arrogance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans son fort intérieur, il y a toujours cette, wallahu a'lam, cette croyance intime en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le shirk Mohammed ibn Abdul Wahhab, vise cette connaissance-là? Lorsqu'il dit al-oula, donc la première des quatre choses qui est obligatoire pour nous, à apprendre, et la science, la connaissance, puis il commence à définir la science par une première notion, il dit ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Est-ce qu'il vise cette connaissance-là? Non, il ne vise pas cette connaissance-là. Il vise la connaissance shar'iyya, al-ma'rifatu shar'iyya, la connaissance législative dans le sens musulman. Quelle est-elle, cette ma'rifa? Donc c'est une ma'rifa qui va impliquer obligatoirement l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le critère différenciateur, il faut le retenir ça. Le critère différenciateur entre la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala naturelle du cœur et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala législative, c'est que la connaissance législative, elle est réelle si jamais celle du cœur implique que le corps se mette en action dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la connaissance du cœur sans acte, donc pratique du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala législative. Donc la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala prise en compte ici par le shir est qu'il est obligatoire pour nous de connaître et d'avoir, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala impliquant la soumission à Allah azza wa jal. Donc Cheikh Al-Uthaymeen dit dans son charh, et ici il y a des mots, subhanallah, qui te montrent, mon cher frère, que la science, comme disent certains, rahimun bayna ahlihi, la science c'est un lien de parenté entre les vrais savants. Et tu observes les mots utilisés par Cheikh Al-Uthaymeen, tu les retrouves utilisés par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, par Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Rahmatullah ala al-jami'. Et ce sont des mots qui sont importants, qui dans la langue arabe ont un sens qui est précis que je vais donner, inshallah. Donc le cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayh, par rapport à l'expression ma'rifatullah, il commente, Ey, ma'rifatullah azza wa jal bil qalbi. Ma'rifatan tastalzimu qabula ma shara'ahu wal id'ana wal inqiyada lah. Il dit donc, cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cite Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Cheikh Al-Uthaymeen dit, donc une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur. Donc c'est moi qui ouvre une parenthèse ici. Le point de départ de la connaissance, qu'elle soit naturelle, fitriya, ou bien qu'elle soit législative, son point de départ est où? Elles se rejoignent dans le fait que le point de départ est le cœur. Le début de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala est le cœur. Ma'rifatan tastalzimu qabula ma shara'ahu wal id'ana wal inqiyada lah. Il dit donc une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur. Une connaissance qui implique l'acceptation de ce qu'il a légiféré. Et al-id'an wal inqiyada lah, qui sont deux termes qui se rejoignent, qui ont quasiment le même sens en arabe, qui sont la soumission. La soumission à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahkima shari'atihi allati ja'a biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Et la prise comme juge de sa sharia, donc de sa législation avec laquelle est venu son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi ici dit des paroles qui sont extrêmement importantes, mes chers frères. Qui sont que la connaissance donc visée par Cheikh Mohammed Abdul Wahhab. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, hein, dans cette vie ici, ce n'est pas la connaissance donc qu'avait Pharaon, qu'avait Abu Talib aussi lorsqu'il dit, il fait un poème et il dit dans certains vers à son neveu Muhammad alayhi salatu wa salam, je sais que la religion avec laquelle tu es venu est la meilleure religion qui existe. Il avait cette conscience-là. Et même d'ailleurs, la plupart des koufars de Quraysh savaient que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam était réellement un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les juifs eux-mêmes, dans la Torah, avaient cette information-là qu'un prophète apparaîtrait et qu'ensuite il viendra à Médine. Les juifs de Médine savaient qu'un prophète allait apparaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit cela dans Surat al-Baqarah, il dit que c'était des gens كانوا يستفتحون على الذين كفروا. C'est-à-dire, il disait aux gens qui étaient pas juifs, donc les associateurs de Médine, il leur disait, vous verrez, on a nous dans la Torah un prophète qui va arriver. Et lorsque Mohammed alayhi salatu wa salam est arrivé, étant arabe, ils l'ont réfuté. Allah subhanahu wa ta'ala dit, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Et beaucoup parmi eux cachent la vérité tout en étant connaisseurs. Donc cette connaissance qu'avaient les juifs, cette connaissance qu'avait Pharaon, Iblis, etc. Cette connaissance-là, c'est la connaissance, nous avons dit, fitriya, naturelle, qalbiya du cœur. Mais ce n'est pas cette connaissance-là, donc, qui est demandée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le din d'Allah, azza wa jal, simplement. C'est cette connaissance qui doit impliquer, comme dit le shir. Donc, une connaissance d'Allah, il dit, avec le cœur, shir al-Taymin, impliquant l'acceptation de ce que Allah a légiféré. Et l'arabe ici, le shir utilise un mot qui est important, qui est testelzimu. Testelzimu, c'est-à-dire qui implique. Donc ici, la connaissance intérieure du cœur et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala extérieure ne doit pas être compris comme une notion de cause et conséquence. On ne traduit pas ça en arabe par sebeb et musabbeb, cause et conséquence. Car le sebeb peut être présent et ne pas donner lieu à la conséquence. Tout comme on peut prendre un médicament qui est une cause, qui est un sebeb, chez Al-Sunnah al-Jama'a, qui est une cause pour Shifa, on utilise cette cause-là, لَكِنْ نَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, mais on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne s'en remet pas au médicament, mais le prophète, alayhi salatu wa salam, se soignait. Donc cette cause-là peut donner lieu à la conséquence, qui va donc être la guérison, et peut ne pas donner son effet, car Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient le résultat. La croyance intérieure, elle n'a pas le statut de cause, et la pratique extérieure, la notion de conséquence. La notion de conséquence. Non, s'il n'y a pas pratique extérieure, s'il n'y a pas pratique extérieure, nous allons dire que à l'intérieur, il n'y a pas réelle croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas réelle croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une croyance. Iblis croit à 100%. Les juifs croyaient. Mais cette croyance-là n'a pas donné naissance aux actes du cœur. N'a pas donné naissance à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'a pas donné naissance à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'a pas donné naissance au tawakkul, au fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la disparition des actes extérieurs, la non-pratique de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la non-acceptation de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, implique que dans l'intérieur, en termes d'amour, en termes de crainte, en termes de fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, d'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a absence de ces sentiments-là, qui sont des a'mal al-quloub, qui sont des actes du cœur. Et si la personne prétend par sa langue avoir ces choses dans son cœur-là, nous lui disons non, car il y a implication directe entre la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et son adoration. Donc le cheikh dit, أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والإنقياد له. Donc une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur impliquant l'acceptation de ce qu'il a légiféré et la soumission à cela. Et la soumission à cela. Donc je répète pour qu'il n'y ait pas confusion. La croyance intérieure qu'on appelle at-tasdiq qui se trouve dans le cœur. La croyance en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, dans la définition de la foi, on appelle ça qawlul qalb, la parole du cœur. La parole du cœur. C'est ce que tu défies, c'est ce que tu crois à l'intérieur de ton cœur. Comme on va dire, chose théorique. Ton mu'taqad. Tu crois en Allah, tu crois qu'il est le Tout-Puissant, tu crois qu'il est l'omniscient, tu crois qu'il est le vivant qui ne meurt jamais, que c'est lui le créateur, etc. Cette croyance-là, la croyance que tu vas voir aussi au sujet de Mohammed A.S., du Coran, cette croyance-là, si elle est réalisée de manière complète, doit donner naissance aux actes du cœur. Doit donner naissance aux actes du cœur. Quels sont ces actes que va comporter le cœur? l'amour à Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte à Allah subhanahu wa ta'ala, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, espérer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces actes du cœur, et ces paroles du cœur, cette croyance que tu as là, si elles sont réelles, existantes, elles doivent donner naissance à la parole de la langue. Quel est le minima requis? La shahada. La shahada. La croyance intérieure, pour être validée et prise en compte, demande un minimum requis qui est au niveau de la langue, la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Celui qui, sans incapacité, bien sans empêchement valable, ne prononce pas la shahada, n'est pas musulman. Par exemple, on a des écrivains, même occidentaux, qui ont écrit sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Où on entend même certains qui ont mis le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans le classement des grands hommes, dans les classements des grands hommes de l'humanité comme étant le premier. Certains disaient si le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam revenait à cette époque, il résolverait les problèmes de l'humanité, le temps de boire un verre d'eau, etc. A-t-il fait shahada? Non. Est-il musulman? Non. Est-ce qu'il avait un empêchement? Était-il muet ou autre? S'il n'avait pas d'empêchement pour prononcer la shahada, cette croyance intérieure que Mohammed alayhi salatu wassalam est le meilleur des hommes, etc., doit t'amener à prononcer une attestation. Tu vas attester ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul. Pareil pour la croyance en Allah. Par exemple, les gens aujourd'hui, et ce tasawwur il t'aide à comprendre certaines choses, cette représentation et cette compréhension de la foi, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens aujourd'hui, certains non-musulmans, se prétendant, s'appelant Mohammed Abd Qadr ou autre, qui ne prient pas toute la journée, du matin au soir. Lorsque tu parles avec ces personnes-là, ils te disent croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah existe? Oui, Allah existe. Est-ce que le paradis existe? Oui, le paradis existe. Est-ce que l'enfer existe? Oui, l'enfer existe. Est-ce que Mohammed est le meilleur des hommes? Oui. Est-ce que c'est un prophète d'Allah? Oui. Tu pries? Non. Pourquoi? Il va dire des phrases. La réponse est que tu n'aimes pas Allah et tu ne crains pas Allah. Tu possèdes une parole du cœur. Cette compréhension théorique qu'avait même Iblis. Iblis ne va pas dire Mohammed n'est pas le messager d'Allah. Iblis, il est vivant là en ce moment. Si la question lui était posée, est-ce que Mohammed est le prophète d'Allah? Il va dire non. Même s'il dit non par la parole, dans son intérieur, il sait très bien que Mohammed est le prophète d'Allah. Comme les Juifs savaient que Mohammed était le prophète d'Allah. Comme Quraysh savait que, beaucoup de Quraysh savaient que Mohammed était le prophète d'Allah. Mais, cette parole du cœur n'étant pas ensuite, puisqu'il n'y a pas ajout, ne donnant pas naissance, pardon, aux actes du cœur, qui sont l'amour, la crainte, n'est pas acceptée. Donc ces personnes, je crois en Allah, disent, les gens que l'on côtoie aujourd'hui, que l'on voit autour de nous, je crois en Allah, je crois au prophète, je crois au paradis. Iblis croit au paradis. Iblis croit à l'enfer. Iblis croit en Allah. Iblis croit que Allah est le tout miséricordieux, l'omniscient, l'omnipotent, le vivant, qui ne meurt jamais, qu'il a tout créé, qu'il a créé les cieux, la terre, qu'il n'y a pas une molécule dans cet univers qui ne peut bouger sans ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Telle est la croyance d'Iblis. Mais lorsque le sujoud lui a été demandé, Aba wa stakbara wa kana min al-kafirin. Il a refusé, s'est enorgueilli, il faisait partie des mécréants. Et l'imam Ahmed a pris cette ayah-là comme un délil pour le takfir du Tariq Salah. Pour statuer de la mécréance de celui qui ne prie pas. Et ça, c'était pour un sujoud, avec une connaissance intérieure d'Allah. Il n'a pas dit non, Allah n'est pas le créateur. Allah n'existe pas, ou bien ou autre chose. Il n'a pas réfuté une information, mais il a délaissé cet acte-là. Donc, la connaissance qui est prise en compte, c'est la connaissance impliquant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Impliquant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous avons dit que cette parole du cœur, la croyance théorique que tu possèdes dans ton cœur, Elle doit nous donner naissance aux actes du cœur. Amour, crainte, etc. Ça, c'est des choses, je répète et on répétera tout au long du charh pour que on digère ce type d'information et que la représentation devienne claire. Ceci doit donner naissance, le minima requis au niveau de la langue, c'est quoi? La shahada. Au niveau de la langue. Au niveau du corps maintenant. Au niveau du corps, ces actes du cœur doivent donner naissance aux actes du corps. Sa ma'rifatullah, cette connaissance d'Allah, doit donner naissance aux actes du corps. Quel est le minima requis? Ici, il y a divergence chez les gens de la sunna. Ahlu sunna, donc ils sont en accord unanime que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala doit donner naissance à l'acte. Doit donner naissance à l'acte. En termes de famille. Maintenant, est-ce que l'acte demandé, c'est un acte déterminé ou bien n'importe quel acte? Donc, est-ce que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala intérieurement, cet amour-là, on a dit qu'il faut l'amour obligatoirement. Celui qui n'aime pas Allah est croyant, il a une connaissance d'Allah législative, sharia? Non. Il n'a pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une connaissance législative d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, je crois en Allah, mais j'ai pas peur de lui. Il a la ma'rifatullah demandée ici. Il dit, je crois en Allah, Allah existe. Moi, j'ai déjà parlé à des mécréants comme ça. Dis-moi, Allah, je crois en lui, mais est-ce qu'il est juste? Par exemple. Ou est-ce qu'il est bon? Ou etc. Donc, est-ce que cette croyance en Allah de son existence est suffisante? Non. Donc, maintenant, si la personne dit prétendre aimer Allah subhanahu wa ta'ala, craindre Allah subhanahu wa ta'ala, Ahlu sunnah wal jama'a sont en accord unanime sur le fait que ces actes du cœur, amour, crainte, doivent donner naissance aux actes du corps. Mais cette naissance-là, c'est-à-dire ces actes demandés, est-ce que c'est n'importe quel acte va justifier la présence de l'amour et de la crainte dans le cœur, ou bien est-ce que c'est un acte déterminé? Et ici, il y a divergence. Ici, il y a divergence. Mais le ijma', le consensus des sahaba radiallahu anhum est clair à ce niveau-là. Est clair à ce niveau-là que le minima requis au niveau donc du corps, des organes, c'est la prière. C'est la prière. Et les hadiths du prophète alayhi salam sont clairs. Et le plus clair, c'est Beina al-rajuli wa al-kufri wa shirk tarkus salah. Entre l'individu et le shirk, donc l'associationnisme, et le kufr et la mécréance, c'est le délaissement de la prière. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit que la frontière entre une personne dans l'islam et une personne dans la mécréance, c'est le délaissement donc de la prière. Donc les actes demandés, le minima requis pour justifier et officialiser cet intérieur prétendu d'amour et de crainte d'Allah, c'est la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, donc face à des personnes ayant prétendu son amour, a descendu le verset, un verset dans sourate Ali Imran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Al-Hassan al-Basri disait que ce verset-là est un verset de... C'est Ayatul Imtihan, c'est un verset par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé certains ayant prétendu son amour, et il les a éprouvés en leur disant, si réellement vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit dans le verset, قُلْ, dis-leur, si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, suivez-moi, et Allah vous aimera, et vous pardonnera vos péchés, et Allah est tout pardonnateur, tout miséricordieux. Donc par rapport à cette notion de ma'rifa, qui donc doit impliquer obligatoirement l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons rapporter quelques paroles de savants, bi'iznillah, qui sont importantes. يقول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى دي dans le Coran ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الله عز وجل دي ne vois-tu pas comment Allah سبحانه وتعالى donc montre en parabole une belle parole. Cette belle parole, c'est « La ilaha illallah ». Comme un bel arbre, dont les racines sont fermes et les ramifications dans le ciel. Elle donne ses fruits à tout moment par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre des paraboles aux gens afin qu'ils se rappellent. Cheikh Sa'di, rahmatullahi alayh, qui est donc un des savants contemporains qui est mort, qui était le cheikh numéro un principal de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi alayh, dit dans la parole kalimatan tayyiba, une belle parole. Il dit hiya shahadatu an la ilaha illallah, c'est la shahada selon laquelle il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu'ti ukulaha, elle donne ses fruits. Tu'ti ukulaha, il dit, c'est-à-dire elle donne ses fruits. Kulla hinin bi idhni rabbiha, à tout moment par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit fa kadhalika shajaratu al-iman, et c'est ainsi l'arbre de la foi. Asluha thabitun fi qalbi al-mu'min 'ilman wa i'tiqada. Donc ses racines sont fermes dans le cœur du croyant. Regardez, les paroles sont quasiment semblables à celles de Cheikh Al-Uthaymin. Il dit donc que l'arbre de la foi, ses racines sont dans le cœur du croyant. Elles sont fermes dans le cœur du croyant. Et ilman wa i'tiqadan, en connaissance et croyance. La croyance de la personne se trouve dans le cœur. Wa far'uha min al-kalimi at-tayyib. Et ses ramifications donc sont les belles paroles, wal 'amalu as-salih, et les actes vertueux, wal akhlaq al-mardiyah, et les bons comportements, wal adab al-hasana, et la bienséance. Donc le shir, tout comme Cheikh Al-Uthaymin ici, donc montre en expliquant le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel Allah fait la parabole donc de la shahada comme étant un arbre possédant des racines profondes et dont les ramifications sont dans le ciel. Il explique que les racines donc de la shahada la ilaha illallah se trouvent dans le cœur. C'est donc cette croyance qui est à la base dans le cœur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc que ces racines-là ont des ramifications dans le ciel. Ce sont donc les actes de la personne qui montent vers le ciel. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi dit dans le Majmou' al-Fatawa. Donc page 541 dans le volume 7. Il dit des paroles qui sont très importantes. أيها الإخوة وإذا قام بالقلب التصديق به أي بالله عز وجل والمحبة له لازمة. Écoute le mot لازمة. Cheikh Al-Uthaymin a dit يستلزمو. Tu vas écouter Cheikh Jibrin aussi va rapporter le mot يستلزمو. إذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لازمة ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه إلى أن قال رحمة الله عليه وكذلك الإيمان في القلب والإسلام علانية ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها انتهى كلامه. Des paroles importantes de Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, qui dit « Et si jamais la croyance est présente dans le cœur ?» Donc là, il parle de la croyance linguistique. La croyance, c'est-à-dire pas législative. Il parle simplement de la croyance, tout comme Iblis, Pharaon, etc. Pour l'instant, il parle de ça. « Wa idha qama bil qalb » dans le cœur. Cheikh Al-Uthaymin aussi a dit « dans le cœur ». Donc la base de cette croyance se trouve où ? Dans le cœur à la base. وإذا قام بالقلب التصديق به, si la croyance en lui, c'est-à-dire en Allah subhanahu wa ta'ala, est présente dans le cœur, والمحبة له, et son amour, لازم ضرورة, ceci implique obligatoirement, il dit, ceci implique obligatoirement que le corps se mette en mouvement de par l'implication de ceci, c'est-à-dire l'implication de la croyance et de l'amour. Et observez, il a dit, et si dans le cœur est présent la croyance at-tasdiq qui fait partie des paroles du cœur. Wal mahabbatu lah qui fait partie des paroles du cœur. Fait partie de quoi? Des actes du cœur, des actes du cœur. Donc si dans le cœur il y a la croyance en Allah. Je crois en Allah, il existe. Je crois que c'est le tout miséricordieux, je crois que il est le digne d'être adoré, le seul et digne d'être adoré. Je crois etc etc, les croyances demandées. Si ces croyances, donc la croyance en Allah est dans le cœur et son amour, ceci implique obligatoirement que le corps se mette en mouvement de par l'implication de ceci. Min al-aqwali al-dhahira. Donc par les paroles qui sont apparentes, wal a'mali al-dhahira, et par les actes apparents, Il dit, ce qui est apparent sur le corps en termes de parole et d'acte est l'implication, donc la conséquence directe, l'implication de ce qui est dans le cœur. Il dit, walazimu. Il n'utilise pas le mot cause-conséquence, mais impliquant-impliqué. Lorsqu'il y a disparition de l'impliqué, il y a obligatoirement disparition de l'impliquant. Disparition des actes du corps, disparition de la croyance, des actes du cœur. Donc le cheikh continue, il dit, donc plus tard dans la même page, même plus loin, il dit « وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ » Et de même, la foi dans le cœur. Et l'islam extérieur. Et je vous avais déjà expliqué. Donc dans le même contexte, le « iman » renvoie à la croyance intérieure. La croyance intérieure à Allah subhanahu wa ta'ala, aux six piliers. Et l'islam, lorsqu'il est étudié dans le même contexte que l'iman, renvoie aux cinq piliers extérieurs, donc la pratique extérieure. وَلَمَّا كَانَتِ الْأَقْوَالُ وَالْأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ لَازِمَةً وَمُسْتَلْزِمَةً لِلْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ كَانَ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَيْهَا. Ça c'est important. Cheikh Rahmatul Adi dit, et de même la foi dans le cœur et l'islam apparent, donc dans le corps. Il dit que donc de même la foi dans le cœur et l'islam à l'extérieur dans le corps, de même. Qu'est-ce qu'il veut dire par de même? Il renvoie à ce qu'il avait dit tout à l'heure. Par rapport au tasdiq, à la mahabba, doivent donner obligatoirement naissance aux actes corporels. Il dit, et de même la foi dans le cœur et l'islam extérieur, puisque les paroles et les actes extérieurs sont une implication obligatoire des paroles et des actes intérieurs, il dit, alors elles sont prises comme preuve par rapport à celles-ci. Ça, c'est des notions importantes, mes frères. Je répète. Le Cheikh dit, de même, par rapport au iman, la foi dans le cœur, et l'islam dans le corps, il dit, puisque les paroles et les actes extérieurs sont une implication directe des paroles du cœur. Qu'est-ce que les paroles du cœur, par exemple? La croyance en Allah, son existence. Les croyances du cœur, c'est la confirmation des informations données par Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wasalam. Ce qui arrive à toi, en termes de Qur'an et Sunna, c'est divisé en deux catégories dans la langue arabe. Al-Khabar, l'informatif, déclaratif. Non, l'informatif, pardon. Et Al-Insha, le déclaratif, mais pas dans le sens grammatical français, hélas. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ça c'est de l'informatif. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, Allah, il n'y a de divinité que lui, al-hayy, le vivant, al-qayyum, qui subsiste par lui-même. Est-ce que face à ça, tu dois croire ou mécroire ou bien obéir et désobéir? Croire ou mécroire. Donc ça on appelle ça al-khabar, l'informatif. L'informatif. Et Al-Insha, c'est ce que nous on ouvre par des guillemets en français. Oh, vous qui avez cru, et Allah subhanahu wa ta'ala ici donne Ya ayyuhal ladina amanu, Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum. Aux gens, craignez votre Seigneur. Hein? Ici, tu dois répondre le verset. Qu'est-ce que ta réaction par rapport à ce verset-là? C'est de l'accepter en termes d'obéissance ou de désobéissance. Ce que tu as dans ton cœur, qawlul qalb, c'est la croyance à l'informatif qui t'est venu du Qur'an et de la Sunna. Ça c'est le qawl. Ça c'est le qawl, qawlul qalb. Ce qawl-là, s'il est complet, doit donner naissance aux actes intérieurs du corps, amour, crainte, etc. Et donc le minimum requis en amour et en crainte, car les gens sont de différents niveaux. Le minimum requis doit obligatoirement, donc les racines de l'arbre, donner naissance aux ramifications qui sont les actes du cœur. Donc le cheikh dit, et de même le iman dans le cœur et l'islam extérieur, puisque les paroles et les actes extérieurs sont une implication des paroles et des actes intérieurs, nous les prenons comme preuve sur la présence de celle-ci. Donc les actes extérieurs sont une preuve de ce qu'il y a dedans. Donc on voit bien que les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, Cheikh Saadi et les paroles des A'imma sont très nombreuses à ce niveau-là, se rejoignent. Donc Cheikh Ibn Abdul Wahhab a dit wa huwa ma'rifatullah. La science c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons expliqué quel type de connaissance. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce que le serviteur connaît Allah subhanahu wa ta'ala? Par les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on appelle en arabe al-ayat, qu'on appelle al-ayat, sont, il y a al-ayat al-shar'iyya. Al-ayat al-shar'iyya, les signes, donc shar'i, législatifs, qui sont dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car le Coran amène à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que la sunna amène à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la première source. La première source, c'est le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Puis, l'être humain aussi utilise aussi pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala l'observation donc des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers qui sont ses créatures. Les créatures aussi, par la méditation sur celles-ci, ceci nous amène obligatoirement à la conclusion qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Ça c'est la première notion. Celui qui médite sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne s'enorgueille pas et qui applique la règle qu'il applique dans tout, c'est-à-dire que il ne peut y avoir quelque chose, notamment de qui est fonctionnel et qui est composé de manière complexe sans qu'il y ait eu avant, qu'il y ait eu une réflexion. Et là, c'est pas par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala que j'utilise le mot réflexion, mais par rapport à l'humain. La personne ne, c'est impensable que quelqu'un accepte qu'on dise qu'une voiture est venue toute seule. Ou bien qu'un téléphone portable est venu tout seul. Et même s'il arrive sur une île déserte, et que tous les gouvernements présents lui disent et lui officialisent que cette île n'a jamais été foulée par le pied d'un être humain. Et qu'arrivant sur cette île déserte, il arrive dans un coin, il trouve une voiture. Qu'est-ce qu'il dira? Remettra-t-il en cause l'annonce de tous ces états, lui disant que jamais ils ne sont entrés dans cette terre-là, ou bien il dira que la voiture est arrivée toute seule? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va remettre en cause la parole de tous ces gouvernements, lui ayant dit que cette île n'a jamais été foulée. Car pour lui, cette règle-là, on ne peut pas la remettre en cause. Donc pourquoi arriver devant ce qu'il y a de plus complexe, l'univers, l'être humain, la végétation, le soleil, toutes ces choses-là qui sont complexes mais fonctionnelles en plus. C'est-à-dire le soleil, subhanallah. Mais le soleil, il est dans un emplacement. Seul Allah, subhanahu wa ta'ala, a pu faire cet emplacement-là et cette distance-là qui est ni trop loin ni trop près. Avec cette terre-là comportant tous les facteurs pour que Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que la vie existe. Cet être humain, cette fonctionnalité de l'humain, cet oui qui est présent. Et si ça avait été, comme ils disent, bactéries ou autres, développement de je ne sais quoi, comment est-ce que cette chose qui n'est pas douée de raison a pu se doter d'un outil fonctionnel répondant à un besoin externe à elle-même? De même l'œil, est-ce que cet être vivant, cette notion qui s'est développée, selon les dires de ces mécréants-là, comment a pu-elle se doter Dieu, ne sachant pas qu'il y a un monde à voir? Et qui en plus va donner ensuite, c'est pire que dire que la voiture a été faite toute seule comme ça sur l'île déserte. Ça, c'est pas acceptable. Et n'importe qui prétendant cela est qualifié de fou dans toute civilisation, toute culture. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a mukabara. C'est que la personne, la mukabara, c'est comme nous on dit un peu, c'est il se moque du monde, quoi. Quand il dit il n'y a pas de Dieu, cet univers est arrivé tout seul. Non, ce n'est pas possible. Et même dans son fort intérieur, il sait qu'en réalité, il est en train de dire des bêtises. Donc, l'ayat Al-Shar'iyya, les signes législatifs, et ça c'est la première base. Et c'est important pour la da'wa. Que lorsque l'on prêche, à Allah subhanahu wa ta'ala, on prêche d'abord par les versets et les hadiths. Et notamment les musulmans qui sont en face de nous dans les mosquées. Nous on pense que on va renforcer les musulmans dans leur cramponnement au Coran et à la Sunna en leur apportant des signes tirés des sciences naturelles, etc. Certes, ceci est bien, mais ça doit être adjoint simplement à la science du Coran et de la Sunna. Et ça doit venir effectivement renforcer ta foi, t'augmenter en clairvoyance, mais pas la fonder. Le musulman, il ne fonde pas sa foi par cela. Car au bout d'un moment, tu ne pourras plus. Parce que d'abord, il y a des choses qui sont toujours inconnues, et à des moments, il va y avoir contradiction parfois entre la science extérieure et le wahi. Et qu'est-ce qu'on accepte à ce moment-là? Est-ce qu'on accepte le wahi, le Qur'an et la Sunna, et on réfute cette notion scientifique parce qu'elle provient de la raison humaine et elle peut être erronée? Ou bien on réfute le Qur'an et la Sunna? La réponse est bien sûr que l'on réfute la notion scientifique évoquée. Donc nous, même dans l'éducation de la Oumma, on doit éduquer les gens à être littéralistes. À être littéralistes. Vahiri, nassi. Quelqu'un doit être textuel, notamment dans sa aqida, la construire là-dessus. Qul huwa Allahu ahad. Ça, c'est mon dalil primaire, premier que Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Avant cette conclusion, qui est que cet univers, de par sa complexité, etc., fait qu'obligatoirement il y a un créateur qui est unique. Avant tout, c'est Al-Wahi. Mon point de départ, c'est Al-Wahi, Qur'an, wa Sunnah. Et puis, la méditation, donc sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à cela, bien sûr, dans le Qur'an. Allah nous invite à cela, dans le Qur'an, à méditer sur ces créatures, les cieux, la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayat li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance du jour et de la nuit des signes pour les gens doués d'intelligence. Je continue à Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayh. Après, la connaissance d'Allah dit wa ma'rifatu nabiyhi, et la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que nous avons dit tout à l'heure, nous l'appliquons aussi ici. Donc il y a la connaissance du prophète alayhi salatu wassalam, donc il se trouve dans le cœur et n'impliquant pas donc l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam et suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce une connaissance, une ma'rifa législative? Non. Non. Donc des gens ont déclaré que le prophète alayhi salatu wassalam était le meilleur des humains. Moi j'ai même lu des textes récemment de certains occidentaux contemporains, disant que ça ne peut être qu'un prophète. Ce n'est pas possible qu'en 23 ans, il ait effectué la mission qu'il ait effectuée et qu'il ait formé les compagnons comme il les a formés et que l'Empire romain et perse soient tombés après que ce soit une poignée d'Arabes perdus dans le désert qui soit devenue une telle civilisation. Ils disent que rationnellement, ce n'est pas possible. Donc, cette croyance simple et cette conclusion que cette personne a dans son cœur, si elle n'est pas accompagnée, donc, du suivi du prophète alayhi salatu wassalam, de l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wassalam, alors ce n'est pas une connaissance législative. Cheikh Al-Uthaymin dit, rahmatullah alayhi, dans un commentaire par rapport à wa ma'rifatu nabiyhi et la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wassalam, il dit, hey, ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, al-ma'rifata allati tastalzimu, il rapporte encore la même expression, tastalzimu qabul ma jaa bihi min al-huda wa din al-haq wa tasdiqahu fima akhbar wa imtithal amrihi fima amar wa ijtinab ma naha anhu wa zajar wa tahkim shari'atihi wa ar-ridha bi hukmihi. Qala Allahu 'azza wa jalla, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. دونك شيخ العثيمين دي que cette connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une connaissance de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam impliquant l'acceptation de ce avec quoi il est venu comme guidé et religion de vérité. Et sa croyance dans ce qui nous a informé. وَمْتِثَلَ أَمْرِهِ et l'obéissance à son ordre. وَاجْتِنَابَ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرَ et le délaissement de ce qu'il a interdit et réprimandé. وَتَحْكِيمَ شَرِيعَتِهِ et donc l'application de sa sharia et l'agrément, l'acceptation de son jugement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit non, par Allah, ils ne seront pas croyants. Et ici attention à ne pas traduire comme font certains. Non, par Allah, ils ne seront pas véritablement croyants. Non, ici Allah subhanahu wa ta'ala a rejeté la foi totale de ces gens-là, qui ne prennent pas le prophète alayhi salatu wassalam comme juge dans leur sujet de dispute. Donc il ne faut pas croire que celui qui ne prend pas le prophète alayhi salatu wassalam comme juge, ou qui n'applique pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ne prend pas donc le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam comme juge, est musulman. Donc, car l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, la mission même du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est qu'il soit suivi et pris comme juge et que soient appliquées les lois d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ non par Allah, ils ne sont pas croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans leur sujet de dispute. Puis, ceci ne suffit pas. Prendre le prophète alayhi salatu wassalam comme juge dans nos sujets de dispute ne suffit pas. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا puis qu'ils ne trouvent pas de désagrément dans leur intérieur. Puis ceci ne suffit toujours pas. Et Allah dit مِمَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِمًا et qu'ils se soumettent de manière totale. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit donc la parole des croyants lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son messager afin qu'ils jugent entre eux, c'est qu'ils disent « Nous avons entendu et nous avons obéi et ce sont ceux-là ceux qui réussissent. » Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le sens de son verset « Et si vous vous disputez au sujet de quelque chose, alors ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, tel est meilleur et une meilleure « Ahsanu ta'wila ayma ala » c'est une meilleure conclusion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous vous disputez au sujet de quelque chose, alors ramenez-le à Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc le sens sous-entendu du verset, si vous ne croyez pas en Allah et au jour du jugement dernier, alors ne le ramenez pas à Allah et son messager. C'est-à-dire que c'est une condition dans la foi que lors des sujets de dispute, de prendre le Qur'an et la Sunna comme juge. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de son ordre, donc du prophète alayhi salatu wassalam, qu'une fitna ne les touche, ou bien qu'ils soient touchés par un châtiment douloureux. L'imam Ahmed a dit, sais-tu qu'est-ce que la fitna? Il a dit, la fitna c'est le shirk, car il se peut qu'il réfute certains ordres du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'une déviation s'installe dans son cœur, et qu'il soit perdant. Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahman al-Jibrin rahmatullahi alayh, donc il faisait partie du qui était Hay'at Kibar al-Ulama, qui était un membre du Grand Conseil de la Fatwa en Arabie Saoudite rahimahullah. Donc dit dans ce sens-là, il dit il n'y a pas de doute, wa la shakka anna ta'atahu min alamat al-iman bihi, il n'y a pas de doute que son obéissance, donc l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam, fait partie des signes de sa croyance, de la croyance au prophète alayhi salatu wassalam. Donc ici, quelle règle il utilise ? La règle du telezum, de l'interdépendance entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est une règle qui est extrêmement importante. L'interdépendance entre l'intérieur et l'extérieur. Il dit, il n'y a pas de doute que son obéissance fait partie des signes, donc de sa croyance, de la croyance au prophète alayhi salatu wassalam. فَإِنَّ التَّصْدِيقَ الْجَازِمْ يَسْتَلْزِمُ فَإِنَّ التَّصْدِيقَ الْجَازِمْ يَسْتَلْزِمُ طَاعَتَهُ فِيمَا بَلَّغَهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى. Car, donc croire à التصديق dans le sens confirmé. C'est-à-dire, je confirme effectivement que Muhammad alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah. C'est ça, التصديق. Donc, croire, c'est la croyance, donc al-jazim, tranché, avec conviction, implique obligatoirement son obéissance à ce qu'il a transmis d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ أَوْ شَيْءٍ مِّنْهُ عِنَادًا أَوْ تَهَاوُنًا لَمْ يَكُنْ صَادِقًا فِي شَهَادَتِهِ بِالرِّسَالَةِ. Et celui qui va à l'encontre de quelque chose de ceci. Donc, inaden, c'est-à-dire en l'inad, c'est-à-dire en le yu'anidu l'inad, c'est-à-dire en le réfutant. Ou tahawunan, ou bien par négligence, mépris, il n'est pas véridique dans son attestation, donc du messager, comme quoi le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est messager. الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى دي dans فتح المجيد qui est un شرح de كتاب التوحيد شيخ عبد الرحمن ابن حسن qui est petit-fils qui est dans la descendance petit-petit-fils de شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه il dit وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله أي بصدق ويقين وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم وألا تعارض بقول أحد أي غيره أي غيره يجوز عليه الخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته والتأسي به والوعيد على ترك طاعته بقوله تعالى وما كان لمؤمن والوعيد على ترك طاعته بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم puis il a rapporté la parole de l'imam Ahmed. Cheikh Abdelrahman ibn Hassan rahimahullah dit dans Fath al-Majid est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il explique un hadith du prophète alayhi salatu wa sallam dans lequel le prophète alayhi salatu wa sallam parle de la shahada et il parle donc de la deuxième partie et que Muhammad est son serviteur et son messager. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc, Cheikh Abdelrahman ibn Hassan, rahimahullah, dit que la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, est que Muhammad est son serviteur et son messager, c'est-à-dire, il atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Ceci, c'est-à-dire qu'il croit avec véracité, il atteste avec véracité, et yaqin et certitude. وَذَلِكَ يَقْتَدِي. Et ceci implique, اتِّبَاعَهُ. Sont suivis. وَتَعْظِيمَ أَمَرِهِ وَنَهِي. Et donc donner de l'importance, vénérer, donner de l'importance à son ordre et à son interdit. وَلُزُومَ سُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Et la pratique de sa sunnah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. وَأَلَّا تُعَارِدَ بِقَوْلِ أَحَدْ. Et de ne pas aller à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam avec la parole de quiconque. Car autre que le prophète alayhi salatu wassalam, il est donc acceptable qu'il fasse des erreurs. Et le prophète alayhi salatu wassalam, Allah l'a protégé donc de l'erreur et nous a ordonné de lui obéir et de le suivre. Et l'avertissement donc est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant le délaissement de son adoration, de son suivi de l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَ. Et il n'appartient pas à un croyant ou une croyante lorsque Allah azza wa jalla et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont décrété quelque chose qui leur appartienne, le choix de leur situation. Puis il a rapporté le verset aussi que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de son ordre, qu'ils soient atteints par une fitna. Et puis il a apporté la parole de l'imam Ahmed concernant la fitna que nous avons citée tout à l'heure. Donc les paroles se rejoignent des savants. Donc la connaissance du prophète, alayhi salatu wassalam, et donc la shahada selon laquelle il est le messager donc d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, doivent impliquer obligatoirement l'obéissance au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ma'arifatullah, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, devient législative s'il y a apparition de l'obéissance, adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'arifatun Nabi, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, devient législative s'il y a apparition de l'obéissance, le suivi du prophète alayhi salam, l'acceptation de ses lois, etc. Puis le shir dit wa ma'arifatu din al-islam, et la connaissance de la religion de l'islam. Et al-islam, mes chers frères, donc al-islam, c'est une haqiqa shar'iyya. C'est une notion législative qui est donc définie. Al-islam, c'est un sens dans la langue arabe. Al-islam, c'est la soumission. C'est la soumission. Et cette notion de islam, la soumission linguistique, est présente dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'ils veulent une autre religion que la religion d'Allah, alors que ce qui est dans les cieux et la terre s'est soumis à lui et c'est vers lui qu'ils reviendront. Ça, c'est la soumission dans le sens universel. Les gens sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans la prédestinée qui leur a donné subhanahu wa ta'ala. Et ils sont soumis donc dans les règles universelles d'Allah azza wa jal. Mais al-islam, dans le sens législatif, et c'est le sens que nous voulons voir, hein, il est différent ici. Et al-islam va prendre donc deux sens. Dans le sens législatif, dans le sens linguistique, c'est la soumission. Hein, l'oiseau est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, le mécréant est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, le végétal, l'animal est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens de al-islam, al-kawni, al-ittirari. Hein, dans le sens de l'islam qui n'est pas un islam choisi, volontaire, qui est un islam universel. Mais l'islam législatif, c'est un islam qui est choisi. Un islam ikhtiyari, pas ittirari. Et cet islam-là, comme dit Cheikh Al-Uthaymin, قوله معرفة دين الإسلام, الإسلام بالمعنى العام, il y a l'islam, l'islam dans le sens général. Et l'islam dans le sens général, c'est التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة. Donc c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il l'a légiféré, donc avec le tawhid et le kufr bi taghut, le délaissement du taghut, qui sont donc les deux, qui sont asl-din, qui sont les deux fondements de la religion transversale à tous les prophètes. Adam est venu avec al-imanu billah wa kufru bi taghut. Nuh est venu avec al-imanu billah wa al-kufru bi taghut. On verra c'est quoi le kufru bi taghut vers la fin. Isa, Idris, Moussa, tous jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, si on réunit leurs shara'i', si on réunit ce avec quoi ils sont venus, on va voir qu'ils se superposent dans deux notions. Al-iman billah, la croyance en Allah, al-kufr bi taghut. Le halal, le haram, ce que tu peux manger, ne pas manger, mettre comme vêtement, ne pas mettre, etc., les formes de mariage ou autres, ces choses-là, il peut y avoir divergence. Li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Allah dit à chacun, nous avons donné une voie et une sharia, une législation. Les prophètes avaient des législations divergentes, mais pas concernant ces deux fondements qui sont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et le kufr. Bittarut, le délaissement, la mécréance au tarut. Donc l'islam général, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a légiféré depuis qu'il a envoyé les prophètes jusqu'à la fin des temps. Donc au temps de Adam alayhi salam, les gens adorant Allah subhanahu wa ta'ala sur le chemin montré par Adam alayhi salam sont musulmans. Au temps de Nuh aussi, les gens adorant Allah subhanahu wa ta'ala sur le chemin légiférés par Allah Azzawajal sur la langue de Nuh alayhi salam sont musulmans. Donc chaque personne adorant Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'indique donc le légifère, le prophète contemporain de l'époque, est musulman. Ça c'est dans le sens général, donc l'islam général, mais c'est quand même un sens législatif, ce n'est pas un sens linguistique. Puis on a le sens restreint, spécifique de l'islam dans le sens législatif, qui est l'islam après l'envoi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et qui est donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala comme l'a légiféré le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc les chrétiens, les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala au temps de Isa alayhi salam sont musulmans. Aujourd'hui ils sont kuffar, mécréants. Les gens adorant Allah subhanahu wa ta'ala au temps de Moussa alayhi salam sont musulmans au temps de Moussa. Aujourd'hui, ils sont kuffar. Et il est interdit de dire ils sont musulmans en jouant sur ces définitions-là. Et celui qui caractérise les juifs, les chrétiens comme étant des musulmans aujourd'hui est un kafir comme eux. Depuis l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute personne ne suivant pas le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, même si elle adore Allah, selon une autre législation, ne comporte qu'un statut, elle est kafir. C'est un mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min ». C'est lui qui vous a créé et il y a donc parmi vous des mécréants et des croyants. L'humanité se divise en deux parties. La première, les mécréants qui sont les non-musulmans. La deuxième, ce sont les musulmans. Tout non-musulman est mécréant. Mais le terme de non-musulman n'est pas à utiliser. Parce que ce n'était pas un terme utilisé par les salafs et qui n'est pas présent dans le Coran et la Sunna. Allah a dit qul ya ayyuhal kafirun. Dis ô vous les mécréants. Allah dit wa in fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Et s'ils se détournent, Allah n'aime pas les mécréants. Donc le mot kafir, kafirun, kuffar est utilisé dans le Coran et la Sunna. Ghayrul muslimin, non. Ça c'est pour ne pas blesser et faire croire aux gens des choses qui sont en réalité, trahissent nos fondements. Et le bien pour ces gens-là, c'est justement qu'ils comprennent qu'ils sont mécréants et que notre croyance, c'est que s'ils meurent dans cet état-là, ils s'éterniseront éternellement dans les flammes. Mais essayer de discuter, de faire croire que nous sommes sur la même voie et que ce n'est qu'une divergence de prophètes, mais nous nous rejoignons sur le même ilah, le même Dieu, sur la croyance en Allah, non, ça c'est l'une des plus grandes portes de l'apostasie. Et cette prêche aujourd'hui est développée et prend de l'ampleur et il faut prendre garde, mes chers frères. Donc l'islam ici, wa ma'rifatu din al-islam, donc le shir a dit din al-islam. Donc il ne parle pas de l'islam dans le sens soumission universelle, aux règles universelles, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce n'est pas ce qui est établi par le shir ici. Et lorsqu'il dit la connaissance de la religion de l'islam, il parle de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala par la voie, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, l'islam, donc c'est une haqiqa shar'iyya. L'islam est défini par des critères. On ne peut pas, la simple prétention d'être musulman ne suffit pas pour statuer de quelqu'un qu'il est musulman. L'islam doit répondre à des critères. Et les savants ont défini ces critères-là. L'islam est défini. Car comment est-ce que l'on dit que quelqu'un a annulé son islam? C'est parce que justement, il a fait défaut par rapport à la définition de l'islam à des composantes qui, lorsqu'elles disparaissent, font qu'il y a disparition de l'islam. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, dit dans Tariq al-Hijaratayn, page 470. الإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit donc, l'islam est l'unicisation volontairement et l'unicisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait dit al-wihda, l'unicité, c'est la qualité d'Allah. L'unicité, at-tawhid, l'unicisation, c'est l'acte que tu fais dans ton cœur d'attribuer ce statut à Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam et Tawhidullah. Pour ça que par exemple, Al-Hallaj, qui avait donc adopté cette aqidah de Al-Hulul, que Allah subhanahu wa ta'ala donc se est dispersé dans la création, que Allah subhanahu wa ta'ala est sa création et que la création est Allah, et lorsqu'il a dit An Allah, Al-Hallaj a dit ça en Andalousie, il a été exécuté. Il a été exécuté, la ridda a été appliquée par les juges andalous de l'époque, et il a été statué de son apostasie, qu'il a été mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a failli au premier critère. Al-Islamu Tawhidullah. Al-Islam Tawhidullah. Donc celui qui vient et qui dit Muhammad alayhi salatu wa salam est aussi Dieu avec Allah. Hada kafara, ala al-fawr celui-là. Celui-là c'est un mécréant, mutlaqan. Même avant l'établissement de la preuve, ça on le verra plus tard dans l'islam, ce n'est pas la peine de lui établir la preuve pour statuer de sa mécréance, car il a annulé dans la composition même l'islam. Dans la composition même de l'islam, il a annulé. Donc l'islam, comme dit Ibn al-Qayyim, huwa tawhidullah, c'est l'unicisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatu, et son adoration. Observez, il a porté le cœur, et là, wa ibadatu, et son adoration, donc par les actes du cœur et aussi par les actes du corps. Wahdahu la sharika la, seul sans aucun associé. Wal imanu billah, et la foi à Allah, wa bi rasulihi, et à son messager, wattiba'uhu, et le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fima ja'a bih, dans ce qu'il a apporté, et si le serviteur ne fait pas cela, il n'est alors pas musulman. Donc si il n'a pas le tawhid, il ne peut pas être musulman. Il ne peut pas être musulman. Donc le tawhid, ça va être dans le rububiyya. S'il prétend qu'il y a un autre créateur, il n'est pas musulman. S'il prétend, il fait un tawhid, il fait un shirk dans l'asma wa sifat, dans quelque chose où l'ignorance, de manière absolue, ne peut pas être acceptée. Par exemple, il prétend que quelqu'un connaît l'invisible. Il a annulé son islam. Il a annulé son islam. Et s'il fait un shirk dans l'uluhiyya aussi. Il fait le sujoud pour autre qu'Allah. Il égorge pour autre qu'Allah. Ça, c'est un shirk dans l'uluhiyya. Il applique des autres lois que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'application des lois d'Allah azza wa jal, du Qur'an et de la sunna, que l'on soit gouverneur ou juge, est une obligation et fait partie de la ibadah. C'est un shirk dans l'rububiyya et dans l'uluhiyya, dans la seigneurie. Car on a attribué à autre qu'Allah le statut de légiférer. C'est un shirk dans la rububiyya, la seigneurie, et dans l'uluhiyya, la divinité. Car c'est adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala en appliquant les lois d'autrui et non pas celles d'Allah azza wa jalla. Donc celui qui n'apporte pas ça là, cela n'est pas musulman. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rapporte dans Durar al-Saniya, dans le volume 1, page 121. Il dit que l'islam, c'est « Huwa l'istislamu lillahi bittawhid, wal inqiyadu bitta'a wal bara'atu min ash-shirki wa ahli. » Il dit que l'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala avec tawhid. Et la soumission avec l'obéissance, la soumission par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et des aveux des mouchérikines, du shirk, de l'associationnisme et des mouchérikines. Donc celui qui ne se désavoue pas du shirk, celui qui ne se désavoue pas du shirk, on le verra dans le kufr bittahout, et du jins, qui ne se désavoue pas du type du shirk. Quelqu'un dit, par exemple, qu'il est permis d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il est permis d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Simplement, accepter cela. Ne pas se désavouer de cet acte. Ceci annule de même son islam. Et donc, ce qu'il pratique n'est pas l'islam. Même si lui pense que ce qu'il pratique et que la voie qu'il emprunte est l'islam, ce n'est pas l'islam. Et de même, se désavouer des mouchérikines, hein, des associateurs. Et là, ça comprend, c'est-à-dire des non-musulmans de tous les koufars. Donc celui, et ça c'est une parole qu'on entend qui est une parole de koufre, et qui de même annule l'islam. La personne prononçant cette parole-là voit son islam annulé. Et il n'est pas permis, il n'est pas excusé. Pourquoi? D'abord parce que cette notion-là va à l'encontre de la shahada dans sa composante, Et en plus, dans l'ambiance dans laquelle il vit, avec les dorous, les savants, tu peux téléphoner, internet, poser des questions, etc. Il n'est pas permis d'ignorer une telle chose. On entend les gens dire, les musulmans, ils ont leur paradis, et les chrétiens, aujourd'hui, ils adorent leur Dieu, et ils auront leur paradis. Ou bien tu dis, les chrétiens iront en enfer, il dit Allah, tu n'as pas le droit de dire ça, t'es Allah, toi. Hein? Allah, alam, si tu dis ça, ça veut dire que, si tu es en train de me dire ça par rapport à ce chrétien-là qui passe devant moi, là, à l'instant T, que celui-là, ce personnage-là, ira en enfer, et qu'il est encore vivant, là oui, tu dis Allah a'lam ce qu'il va aller en enfer. On ne peut pas dire nous maintenant. Actuellement, tel curé, tel pape, tel rabbin ira en enfer. Allah a'lam va peut-être faire tauba et mourir musulman. Mais dire comme ça de manière, c'est-à-dire théorique, tous les chrétiens là qui existent, Allah a'lam, peut-être ils vont rentrer avec nous au paradis, kafir. Il a annulé son islam. Il a annulé dans la définition même de l'islam. Ils vont peut-être aller au paradis. Ça veut dire qu'il y a une probabilité, ils sont peut-être dans le haq. Ça veut dire que nous, on va peut-être aller en enfer. C'est-à-dire que tel musulman va peut-être aller en enfer, c'est possible. Mais peut-être les musulmans, là, ceux qui suivent Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu salam, ils sont peut-être dans le battle. Allah alam yawm al-qiyam, est-ce que c'est nous qui avons raison? Celui qui dit ça, il est kafir. Il a annulé l'islam dans sa définition même. Et Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab dit toujours dans Dorar al-Saniya, volume 1, page 117, « Dinu l'islam thalatha » Il dit la religion de l'islam « thalatha tu usul » C'est trois fondements. « Tawhid al-Rububiya » L'unicité dans la seigneurie. « Wa tawhid al-Uluhiya » Et le tawhid dans la divinité. « Wal-Wala wal-Bara » L'alliance et le désaveu. « Wa hadha huwa haqiqatu din l'islam » Et ceci est la réalité de la religion musulmane. Mais il est important de ne pas émettre, pour l'instant, de prendre les règles que nous donnons comme des fondements, et de ne pas émettre des jugements autour de nous. Hein, car il y a des choses qui sont des implications, d'autres qui sont des fondements, et l'émission de jugement sur les gens, ça c'est autre chose. Donc nous simplement, c'est pour nous, pour authentifier notre religion. Bi'idhnillahi azzawajal. Car l'entrée dans le détail de cela, je ne le fais pas maintenant, sûrement on le fera dans les actes annulatoires de l'islam. Donc il ne faut pas croire que toute alliance avec les mécréants annule l'islam. Toute alliance de manière absolue, le simple commerce avec un mécréant, nul mon islam, non, il ne faut pas comprendre cela. Mais celui qui parle la langue dit nos frères chrétiens et qui ne vise pas la fraternité humaine. Ça, on entend cette forme de prêche égarée aussi. Nos frères chrétiens. S'ils visent la fraternité humaine, c'est déjà un égarement. Mais ce n'est pas du kufr. Mais c'est grave et c'est une bid'a. Et celui qui prêche vers ça, vers cette prêche-là et qui veut la faire percer dans les rangs des musulmans est un moubtadiyah. Maintenant, celui qui dit nos frères chrétiens dans le sens législatif, c'est-à-dire c'est des gens qui sont nos ikhwas dans le sens musulman, kafir billahi azza wa jal, car il annule son islam et il ne se désavoue pas du shirk et des mushriki. Donc, Cheikh Mohamed Ben Brahim dit une parole qui est importante, mes frères, écoutez-la, méditez dessus. C'est une parole qui est effrayante. Hein, c'est une parole, subhanallah al-ali al-azim. Cheikh Mohamed Ben Brahim, qui était le mufti avant Cheikh Ibn Baz d'Arabie Saoudite. Cheikh Mohamed Ben Brahim dit dans son recueil de fatawa, au volume 1, page 77, « Islam ul-akthari islam unismi » L'islam de la plupart des gens est un islam de nom. « Fa'inna akthar al-muntasibina ilayhi fi hadha al-waqti yuqalu lahum al-muslimun isman didda al-yahudi wal-nasara » Il dit, certes, la plupart des gens, il ne dit pas des musulmans, il dit la plupart des gens s'identifiant à l'islam. Aujourd'hui, il parle de son époque au début, là, dans le XXe siècle. Il dit la plupart des gens s'identifiant aujourd'hui à l'islam, ils sont qualifiés de musulmans par le fait, par différenciation des chrétiens et des juifs. Ils sont qualifiés de musulmans par différenciation des chrétiens et des juifs. من وجد منه ما ينقضه فإنه إسلام فإنه إسلام الاسم ولا كرامة. Celui en lequel on voit quelque chose annulant son islam, c'est un islam de nom. Il dit ولا كرامة, comme nous disons, nous dans notre jargon, c'est pas de pitié. Son islam est annulé et on n'a pas à embellir cette chose-là. Son islam est annulé. Point. Il dit رحمه الله عليه أن من رضوا بالأوثان وعبدوها وحاموا دونها وجبوا بها الجبايات وحكموا القوانين أفبعد هذا إسلام. Il dit, est-ce que l'on peut penser, est-ce qu'il est pensable que celui qui agrée Al-Authen, c'est-à-dire ceux qui adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'est l'état aujourd'hui dans beaucoup de pays hein, musulmans. Les tombes sont présentes et elles sont agréées. Tu ne peux pas, tu peux même pas les détruire, tu ne peux pas les casser car les lois les protègent. Les lois protègent ces qubur. Ces qubur sont financés par les gouvernements. Ces tombes sont financées par les gouvernements. Et celui qui va là-bas pour détruire cette forme de shirk peut se préparer à 30 ou 40 ans de prison. Donc il dit, est-il pensable que celui qui agrée, donc Al-Authen, ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa abaduha, et qui les adore, wa hamudunaha, et qui les protège, et qui les protège, wa jabou biha al-jibayat, et qui ramasse de l'argent, donc pour le financer, wa hakamu al-qawanin, et qui donc prennent comme juge, qui mettent en application les lois donc humaines, les constitutions importées, d'ailleurs, il dit afaba'da hadha islam, est-ce qu'il y a après tout ceci encore de l'islam? Non, il n'y a pas. L'islam a disparu de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas at-tawhid. Ils n'ont pas al-bara'a min ash-shirk. Une personne ayant à sa disposition une armée, ayant à sa disposition des ministères, ayant à sa disposition un pays et laissant le shirk dans son pays, le laissant, ça c'est un agrément du shirk. Nous jugeons que dans ton cœur tu agrées le shirk. Même si avec ta langue tu dis ash-shirk, kufr, etc. Par la règle du telazm que nous avons dit. Si tu, par la règle de l'interdépendance entre les œuvres du cœur et les actes du corps. Si réellement tu détestais le shirk qui est une obligation, et si jamais vraiment tu avais le kufr bit-tarout, la mécréance au tarout, et parmi les plus grands tarout, les qubur et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, si réellement tu avais le kufr bit-tarout, tu enlèverais cela. Mais la preuve encore plus claire que tu es quelqu'un qui n'a pas le kufr bit-tarout, c'est que ton armée est à disposition pour châtier les mouahidines qui vont vouloir enlever ces tombes-là. La protection du shirk, le financement du shirk, hein, ceci annule l'islam de la personne. Quelqu'un a dit qu'il est ignorant. Il est ignorant. Il n'est pas censé ignorer cela. Et même s'il est ignorant, son islam est annulé. Car les composantes de l'islam, hein, c'est ce asl-là, le kufr bit-tarout, l'ignorance n'intervient pas là-dedans. Mais ils ne sont pas ignorants. Ces gens-là, ils ont des conseils, ils ont des musulmans, ils ont des chaînes télévisées religieuses, ils vont au Jumu'ah, c'est des gens, on sait très bien que ce ne sont pas des ignorants.